LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Mademoiselle Taillefer, c'est ici? Oui. Elle doit être au salon, pourquoi? Mademoiselle, votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Quel malheur? Monsieur, votre frère s'est battu en duel. Le médecin désespère de le sauver. À peine aurez-vous le temps de lui dire adieu. Je viens. Je vais avec vous. Vous dites donc. C'est une sacrée veine pour Victorine. Son père sera obligé de l'adopter. Hier, elle était sans le sou. Ce matin, la voilà millionnaire. C'est en lisant quelques pages du père Goriot que je commence à m'intéresser à l'héritage. Je repense au personnage de Vautrin, toujours prêt à aider les jeunes qui ont de l'ambition. Dans sa célèbre tirade, il explique à Rastignac, le provincial ambitieux, comment faire fortune rapidement. Inutile de travailler, assène-t-il. Les concurrents finissent toujours par se manger les uns les autres. Alors, pour parvenir à tout prix, il faut jouer un grand coup, comme il dit. Hériter ou épouser une héritière. Le mérite en héritage, le temps des héritiers. Rémi Dubowski-Douatte, Anne de Palchin. Si l'on veut comprendre l'héritage aujourd'hui, il faut d'abord se plonger dans les écrits du 19e siècle. Et ceux d'Honoré de Balzac ont une place particulière. C'est donc dans la maison de l'écrivain, rue Raynouard, dans le 16e arrondissement de Paris, que je donne rendez-vous à Mélanie Plouvier. C'est ici que Balzac a rédigé la seconde partie de son œuvre, en particulier Ursule Mirouet, le cousin Ponce, la cousine Bête. Elle est philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Côte d'Azur, en charge du pilotage du projet de recherche Philosophie de l'héritage. Balzac est le romancier français du 19e siècle qui a le plus traité du problème de l'héritage. Alors, je ne dis pas ça arbitrairement, on a fait une étude avec un chercheur en humanité numérique qui s'appelle Pierre-Carl Langlais, et avec l'aide de l'intelligence artificielle, on a compulsé l'ensemble des romans français du 19e siècle en y recherchant la thématique précise de la transmission successorale. Donc c'est un corpus de textes de théorie politique, morale, sociale qui comprend 70 000 ouvrages. Et parmi ces 70 000 ouvrages, on a repéré très précisément les passages où il était question d'héritage au sens strict de transmission patrimoniale. On a un corpus de 800 000 pages qui traite spécifiquement de la transmission patrimoniale, pour vous montrer l'ampleur de cette thématique au XIXe siècle. Et Balzac est le numéro un de notre palmarès, c'est celui qui est très très loin devant tous les autres quant à la prégnance de cette thématique. Alors pourquoi? Je pense que si l'héritage a tant de place dans l'écriture de Balzac, c'est parce qu'il décrit la société de son temps et il la décrit de manière très juste. Ce que nous donne à voir Balzac, c'est ce qu'est une société d'héritiers. Ses romans sont l'incarnation de ce que ça fait à une société, aux individus qui en sont les membres, que de vivre dans une société dans laquelle mieux vaut hériter que travailler. Pourquoi est-ce que vous, Mélanie Plouvier, vous travaillez sur l'héritage ? Je me suis intéressée à la question de l'héritage parce que je suis spécialiste de la philosophie sociale et politique du 19e siècle et que j'ai été saisie par le contraste entre les manières de penser l'héritage au 19e siècle et nos manières contemporaines de le penser ou de ne pas le penser. À cet égard, j'éprouvais une insatisfaction à la lecture de la philosophie politique, de la philosophie sociale contemporaine, au sein de laquelle on peut parler d'inégalité, s'interroger sur la possibilité qu'il y ait des inégalités sociales juste d'autres inégalités sociales injustes, sans commencer par le commencement, à savoir la question de la légitimité ou non des inégalités de naissance. Et je crois que ça nous interroge profondément sur notre société contemporaine. Thomas Piketty a montré hein, dans Le Capital au XXIe siècle, qui a été publié en 2013, que dans les sociétés contemporaines, et en particulier dans la société française, qu'on assistait à ce qu'il a appelé un retour de l'héritage. Nicolas Frémaux, je suis chercheur en économie à l'université Paris-Panthéon-Assas. Les recherches de Nicolas Frémaux portent sur les inégalités et l'économie de la famille. Il est l'auteur d'un ouvrage, Les nouveaux héritiers, qui souligne l'importance croissante de l'héritage dans les inégalités contemporaines. Si on décompose en fait le patrimoine des Français entre ce qui est hérité et ce qui est accumulé, c'est-à-dire épargné par eux-mêmes, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 2/3 de ce patrimoine-là qui va venir de l'héritage et 1/3 restant qui vient de l'épargne. Et ça, c'était pas du tout le cas, par exemple, dans les années 70, où c'était l'inverse. On avait 1/3 d'héritage et 2/3 d'épargne. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment de retour à une société où l'héritage domine l'épargne, à une société d'héritage. Et après, on a surtout, ce qui est plus important que le niveau d'héritage en tant que tel, c'est les inégalités liées à cet héritage. Tout le monde n'hérite pas de la même chose et que l'héritage est très concentré. Donc de ce point de vue-là, on revient à une société qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on avait au 19e avec des rentiers, des personnes qui pouvaient vivre de leur rente, mais on peut retrouver quand même en partie ce phénomène-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus faible, mais on revient sur une trajectoire qui pourrait, dans potentiellement quelques décennies, si on ne fait rien, revenir à ce niveau-là. Deux changements importants, c'est quand même le niveau de concentration. C'est qu'il y a quand même moins d'inégalités liées à l'héritage aujourd'hui. Donc ça reste concentré, mais c'est moins extrême que ce qu'on avait jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. L'autre élément, c'est aussi la manière dont on hérite. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on va hériter plus tard, par exemple, étant donné donc, les hausses d'espérance de vie. Donc les gens décèdent plus tard, donc transmettre aussi plus tard. Donc au lieu d'hériter, comme ce qu'on voit à nouveau dans les romans du 19e, à 30 ans, 40 ans ou même avant, aujourd'hui, on va hériter une grosse partie du patrimoine à 50 ou 60. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux, évidemment, d'hériter donc au début de sa carrière ou au moment de partir en retraite. Donc ça, c'est les principaux éléments qui vont distinguer le 19e siècle d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut essayer de décrire le parcours, le cheminement qui nous fait arriver jusqu'à aujourd'hui dans les grandes décisions, dans les options politiques qui ont été prises ? Le retour de l'héritage, il est dû en effet à deux choses. Il est dû à des aspects politiques, il est dû aussi à des changements économiques. Donc c'est quand même ceux-là aussi qui vont dominer. Si on prend comme ça, donc ce qui avait expliqué la chute de l'héritage en fait au cours de la première moitié du XXe siècle, c'est les guerres mondiales, des crises très importantes. Et en partie aussi donc des politiques, hein, le fait qu'on nationalise par exemple certaines entreprises, ce qui fait que les personnes qui détenaient ces entreprises-là se retrouvent avec une valeur beaucoup moins forte, avec un taux d'imposition aussi qui va augmenter, donc un État qui intervient différemment. Et ce qui explique le retour de l'héritage depuis les années 70, c'est le phénomène inverse, c'est le fait qu'on n'a plus de guerre mondiale, donc ce qui est quand même une très bonne nouvelle, que les crises en fait ont un effet aussi moins dévastateur sur le patrimoine, donc la crise de 2008 par exemple, les patrimoines se refont assez rapidement après. Donc à partir de 2012, on retrouve un niveau de patrimoine et un nombre de millionnaires, par exemple en France, qui est celui d'avant-crise. Donc c'est moins fort que la crise de 29, par exemple. Ça a été pareil avec le Covid plus récemment. Et vous avez aussi, c'est un peu moins le cas en France, mais c'est le cas surtout à l'étranger, un desserrement de l'étau fiscal. Donc là où l'impôt était devenu, sur les successions comme sur le revenu, très progressif, aux États-Unis par exemple, qui est le cas où on passe plus d'un extrême à l'autre, depuis les années 80, on a un desserrement de cet étau-là, ce qui fait que c'est plus facile d'accumuler du patrimoine et plus facile de le transmettre aussi. Donc vous avez un mélange vraiment de politiques qui conduit à ce phénomène-là. On constate depuis plusieurs décennies un retour de l'héritage. Il y a une cinquantaine d'années, l'héritage, ça représentait à peu près 5% du revenu national. Aujourd'hui, c'est 15% du revenu national. Clément d'Herbécourt, économiste. Alors le patrimoine des Français, ça représentait dans les années 1980 environ 4 années de revenus des Français. Et aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'immeubles, de comptes épargne, d'actions, et la valeur de ces biens a augmenté 2 fois plus vite que le revenu depuis les années 1980. Et en plus de grossir, cet héritage, il est aussi extrêmement mal réparti dans la population. Vous avez la moitié des individus qui, au cours de leur vie, hériteront de moins de 70 000 euros de patrimoine de la part de leurs parents, tandis que les 10% des plus gros héritiers vont recevoir 500 000 euros. Si vous allez encore plus haut dans la distribution des héritages, les 1% des héritiers les plus importants, eux, hériteront de 4 millions d'euros environ, et les 0,1% des plus gros héritiers, environ 13 millions d'euros. Et donc, on se rend bien compte que le retour de l'héritage, c'est aussi le retour de l'inégalité des chances, puisque vous avez en fait un héritage qui est très concentré entre certains individus, et donc ça peut poser des problèmes en termes d'égalité des chances et en termes de dynamique des inégalités de revenus et de patrimoine sur le long terme. Clément d'Herbécourt est économiste et co-auteur d'une note sur l'héritage pour le Conseil d'analyse économique. Le CAE est un organisme pluraliste composé d'économistes de premier plan. Ces notes sont destinées à éclairer les choix du gouvernement en matière économique. C'est une question qui est devant nous, largement. Donc il y avait vraiment la volonté de travailler sur un enjeu prospectif qui va concerner la société française pendant plusieurs décennies. Et l'idée, c'était vraiment de mettre le sujet sur la table et d'essayer de réfléchir aux outils et aux marges de manœuvre qu'on pouvait avoir. Ça fait plusieurs années que des institutions internationales, françaises, travaillent sur ce sujet-là. Vous avez eu un rapport de l'OCDE qui a traité de la fiscalité des donations et des héritages, la note de France Stratégie de 2017, la note du CAE de 2021. Et on voit bien que le thème de l'héritage revient dans le débat public parce que il y a une réalité macroéconomique qui est que oui, le patrimoine a de plus en plus d'importance, va jouer un rôle de plus en plus important dans le destin des individus dans les décennies à venir. Et donc, on a une réflexion qui se développe parmi les économistes au sein des institutions françaises et internationales pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors ça peut être par la fiscalité, ça peut être par des politiques d'égalité des chances, on pense à l'éducation notamment. Toutes ces politiques qui pourraient permettre d'éviter que la société française et les sociétés occidentales en général deviennent des sociétés d'héritiers, c'est-à-dire des sociétés où finalement le destin des individus va moins être déterminé par le travail, par l'effort, l'éducation, le fait d'exercer une profession, mais sera de plus en plus déterminé par le passé, par l'histoire familiale et par le fait d'avoir reçu des sommes par héritage. La fiscalité est donc l'un des principaux leviers pour une redistribution équitable du patrimoine. Mais l'impôt sur les successions est très impopulaire. Et le lobbying des plus riches y est pour beaucoup, écrivent en substance les économistes qui ont travaillé sur le sujet. Comme le décrivent Thomas Piketty et Emmanuel Seize, les plus fortunés invoquent de manière démagogique les arguments de la morale familiale contre l'impôt successoral. Pour eux, l'impôt serait un obstacle à la transmission d'une vie de travail, d'une maison durement acquise, un impôt sur la mort qui priverait les enfants de leur avenir. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de patrimoine à défendre. En mélangeant à dessein les arguments moraux et les arguments économiques, les lobbyistes manipulent l'information et les croyances des plus modestes contre ses intérêts propres. Il y a une convergence d'intérêts entre les intérêts économiques, donc tout un tas de personnes qui veulent pouvoir transmettre leur patrimoine à peu de frais, qui veulent pouvoir accumuler aussi du patrimoine à moindre frais, donc sans être trop imposé sur les sociétés ou sur le revenu propre. Et vous avez aussi toute une dimension morale, un retour aussi des courants familialistes qui vous disent taxer la famille en général, c'est une mauvaise chose. Et donc ces deux courants-là, finalement, sans qu'il y ait de complot, de lobby derrière, mais se mettent d'accord finalement pour s'y opposer pour ces différentes raisons. Depuis toujours, Bernard Arnault d'abord a toujours été reçu évidemment non seulement par les ministres de l'économie ou les premiers ministres, mais enfin surtout par les présidents de la République. Raphaël Baquet, journaliste. Il habillait déjà Madame Chirac et dînait chez les Chirac, et avec les successeurs, ça a été la même chose, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Il a toujours beaucoup de choses à faire passer aux dirigeants politiques. Non seulement des choses qui permettent ses marchés, la passation de ses marchés et de ses affaires, mais surtout quelque chose de plus personnel, c'est un très grand lobbyiste sur la baisse des droits de succession des entreprises. Donc il a vraiment plaidé sa cause de façon imperturbable et constante, quels que soient les présidents, et avec d'ailleurs un certain succès. Aujourd'hui, aujourd'hui, le débat, il porte surtout, dans le débat public, sur la dimension morale. C'est-à-dire que c'est un impôt qui, en France, mais ailleurs aussi, hein, c'est pas du tout propre à la France, qui est vraiment jugé comme étant immoral. C'est-à-dire qu'on va taxer au moment d'un décès, donc ça peut créer, c'est le moment d'un deuil, donc c'est un moment qui est compliqué, évidemment, pour tout le monde. Ça peut générer des conflits au sein des héritiers. Vous allez taxer surtout, en grande partie, donc l'altruisme des parents, donc des parents qui ont épargné toute leur vie pour leurs enfants. Taxer ça, c'est vu comme étant immoral, c'est vu comme taxer quelque chose qui a déjà été taxé, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Donc tous ces éléments-là vont faire que c'est un sujet qui, à droite comme à gauche, est vu comme étant compliqué et qui est impopulaire pour l'ensemble de la population, avec des fois des différences liées à l'âge ou liées à d'autres aspects, mais en fait qui traversent toutes les classes politiques aussi. Et un autre aspect qui est important, qui n'est pas souvent bien mis en avant, c'est aussi la méconnaissance en fait de l'impôt. C'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est compliqué de parler de cet impôt-là parce que vous avez beaucoup d'idées reçues sur l'impôt et vous avez en France, et on le retrouve à nouveau dans d'autres pays, l'impression que c'est un impôt qui est vraiment confiscatoire, qu'on va taxer très fortement tout le monde dès le premier euro. Il y a des grosses confusions sur le barème, sur ces niches fiscales, donc qui sont très compliquées. Hein, donc ce n'est pas du tout l'idée de dire que les gens sont stupides, c'est juste que c'est un système qui est compliqué. Et vous avez vraiment une surestimation de la part des individus. Et ça, il y a eu quand même quelques expériences, alors pas en France, mais en Suède et aux États-Unis, où quand vous donnez la bonne information, c'est vous dites, regardez aujourd'hui, l'héritage, c'est ça, ou les gens payent ça en moyenne, en fait, les gens changent d'avis. L'impôt en Suède ayant été supprimé, c'est la question, c'était de savoir, est-ce que vous voulez rétablir l'impôt ou pas ? Un premier groupe, on pose juste cette question-là, donc les gens s'y opposent, sont pas pour le retour à l'impôt. À un autre groupe, on pose la même question et on leur donne avant des informations qui sont, regardez qui hérite de quoi en Suède, mais avec des vraies informations statistiques, hein, le but n'étant pas de diffuser des fake news, évidemment, et on voit que ce deuxième groupe, qui a la bonne information, change d'avis. Alors tout le monde ne change pas d'avis, mais vous avez une partie importante des gens qui, maintenant, sont pour le rétablissement de l'impôt à partir du moment où ils ont cet élément-là. Donc ça montre bien que, quelle que soit votre position, avoir simplement les clés en main pour savoir qui hérite de quoi, qui paye quoi, c'est un élément important dans le débat public. C'est intéressant de regarder comment se construit le débat. Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. L'idée commune selon laquelle les Français, 87% des Français, rejettent toute augmentation des droits de succession est fondée sur une enquête notamment, une ou deux, qui ont à peu près la même question pour simplifier. Je vais vous lire la question. La question c'est: l'impôt sur l'héritage devrait diminuer car il faut permettre aux parents de transmettre le plus de patrimoine possible à leurs enfants, d'un côté. De l'autre côté, l'impôt sur l'héritage devrait augmenter, car les héritages entretiennent les inégalités sociales. Vous comprenez très bien qu'on a d'un côté une proposition concrète, il faudrait pouvoir transmettre le plus possible à ses enfants. Évidemment qu'on est pour ça, transmettre le plus possible à ses enfants. Et de l'autre côté, un schéma théorique: l'impôt sur l'héritage devrait augmenter car les héritages entretiennent les inégalités sociales, qui n'est... Oui, c'est une abstraction. Une abstraction. On a d'un côté du concret favorable et de l'autre côté une abstraction qui ne parle pas au quotidien. Quand vous faites des études un peu plus poussées, comme on l'a fait dans le cadre de la note du CAE, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de dissonance cognitive chez les Français entre la façon d'envisager l'héritage du point de vue des parents ou du point de vue des enfants. Quand les individus se placent du point de vue des parents, ils sont contre l'impôt sur les successions, c'est-à-dire qu'ils ont envie qu'on puisse transmettre le plus de patrimoine possible à ses enfants, qu'on puisse aider ses enfants au cours de sa vie. Mais quand on se place dans la perspective des enfants, là, les Français se disent opposés à la rente, à l'inégalité des chances, et donc se trouvent très, très attachés également à la méritocratie. Et c'est un peu l'enjeu aussi de ces prochaines années, si on veut pouvoir progresser dans le débat public sur ces questions, c'est essayer de trancher un peu ce débat-là, cette dissonance-là. Vous ne pouvez pas avoir la méritocratie et en même temps l'héritage. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les fondamentaux politiques des uns et des autres vacillent face à cette question-là ? On peut prendre, par exemple, les libéraux qui, s'ils étaient des libéraux pur sucre, finalement seraient pour le mérite, l'effort, le travail et pas le capital qui rentre comme ça parce que vous êtes né au bon endroit. C'est vraiment le double discours qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on a un discours à droite où il faut mériter son diplôme, mériter son salaire, mériter son RSA. Et quand vous dites, bah, en fait, faut peut-être regarder si les gens méritent vraiment leur patrimoine. Donc, à nouveau, quand vous héritez, j'ai rien contre les héritiers, mais vous n'avez pas mérité votre patrimoine. C'est vos parents qui ont accumulé pour vous. Vous êtes dans la bonne famille, donc tant mieux pour vous. Mais finalement, vous n'y êtes pour rien si vous recevez ce patrimoine-là. Donc aujourd'hui, on a en effet des grosses contradictions. Les libéraux d'aujourd'hui, je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même discours que les libéraux du 19e, qui étaient vraiment le discours de Stuart Mill, c'est-à-dire les gens doivent mériter leur place dans la société. Donc l'héritage, sans forcément le supprimer dès le premier euro, il faut le plafonner, parce que quelqu'un qui sait qu'il va hériter d'une rente énorme, bah, en fait, ne va pas travailler, et ça se comprend. On va dire, c'est pas une critique vis-à-vis individuelle vis-à-vis de l'héritier, mais vous n'avez aucun intérêt à travailler dans ce cas-là. Vous avez à peu près aujourd'hui, si vous focalisez sur les transmissions entre parents et enfants, donc qui sont vraiment voilà, celles qui nous intéressent, notamment dans ce débat-là, même si évidemment on peut transmettre à d'autres personnes, vous avez à peu près 85% de ces transmissions-là qui ne sont pas imposées, parce que les gens donc, passent sous ces 100 000 euros par parent ou par enfant, ou vont avoir organisé leur patrimoine de manière à être peu imposé, et même finalement le taux maximal, donc ça avait été montré dans la note du Conseil d'analyse économique, c'est pour les personnes qui vont recevoir donc plus, en moyenne 13 millions d'euros, donc le 0,1% des héritiers les plus riches. Le taux effectif, une fois que vous prenez en compte toutes ces niches-là, ça va être 10%. Donc on peut se dire 10% c'est beaucoup, mais bon, c'est plus que zéro évidemment, mais c'est loin par exemple des 45% qui sont affichés dans le barème, qui sont souvent brandis justement en disant bah, « regardez, on a déjà un impôt qui est confiscatoire ». On va rester petit joueur, hein. On va rester dans le cadre de l'immense majorité des gens qui n'ont pas d'avocat fiscaliste pour aller faire des placements ultra défiscalisés, des choses et des montages très complexes. Avec Louis Morin, je me livre à un exercice édifiant. Nous simulons une transmission directe, c'est-à-dire de deux parents vers leurs deux enfants, et faisons la somme de ce qui peut être transmis en toute légalité sans payer d'impôt sur la succession. On a d'abord 100 000 euros d'abattement au moment de la succession. 100 000 euros par parent et par enfant. On va rester sur l'exemple d'un couple de deux parents avec deux enfants. On a déjà 400 000 euros à la base d'abattement. Donc 100 000 euros par parent à chacun des enfants. Voilà. Donc vous avez votre pavillon à 400 000 euros, ce qui est déjà un pavillon quand même de bonne tenue pour la plupart, bah, il ne sera jamais imposé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les abattements sur les donations de votre vivant. Vous pouvez donner à vos enfants. Et là, c'est pareil. On a 100 000 euros que l'on peut transmettre à ses enfants sans payer d'impôt sur le patrimoine par parent et par enfant. Bingo, on rajoute 400 000 euros qui s'ajoutent aux 400 000 dont on vient de parler. On en est à 800 000 euros. Bien que 800 000 euros, là, c'est plus le pavillon de banlieue, ça devient quelque chose de beaucoup plus cossu. Et puis en plus de ça, on peut donner ce qui s'appelle des dons familiaux d'argent. Et ça rajoute un total de 128 000 euros. Alors comment vous arrivez à ces 128 000 euros? Alors ces 128 000 euros, hein, c'est le montant que chaque parent peut donner à chaque enfant, qui sont 32 000 euros, qu'on va multiplier par 4, qui font nos 128 000 euros au total. Mais là, je vais vous rajouter un bonus supplémentaire. Vous avez le droit de donner de l'argent pour un anniversaire, ou pour un mariage, ou pour Noël. Il faut qu'il y ait un élément particulier de corrélation entre l'événement et ce que vous allez donner. Il n'y a pas de barème officiel, mais on considère en général que c'est 2,5% du revenu, hein, et 2% de son patrimoine par parent et par enfant. Donc on a pris un exemple de celui qui gagne 100 000 euros par an, ce qui est un peu quand même élevé. Il peut donner 2 500 euros deux fois par an, 5 000 euros en tout, à chacun de ses deux enfants. Et donc au bout du compte, sur 10 ans, on arrive à 100 000 euros supplémentaires, hein, qu'on va rajouter sans payer d'impôt sur les successions. On récapitule, 400 000 euros à la base, 400 000 euros supplémentaires, 128 000 euros de dons d'argent et 100 000 euros de cadeaux. On commence à avoir un montant qui est colossal pour l'immense majorité des Français, parce qu'on aboutit là à 1 million d'euros de transmission sans payer d'impôt. Et là, on est dans les clous, on ne paye pas d'impôt là. Et on ne paye pas d'impôt, entre deux parents et deux enfants. Hein. Ajoutons-y quelque chose qui n'est quand même pas d'une complexité démesurée pour peu qu'on ait ce niveau de patrimoine qui est l'assurance vie, avec nos 150 000 euros par enfant exonérés d'impôts pour peu qu'on le garde un petit peu. On en rajoute 300 000 euros supplémentaires sans payer d'impôts, on est à un total de base, ça c'est vraiment, on pourrait être presque de dire, bon, il y a un régime de base d'un million d'euros, et le cran au-dessus c'est 1 300 000, sans payer d'impôts. Pour résumer, 85% des transmissions sont exonérées car elles sont sous la barre des 100 000 euros. Et les 15% restants bénéficient le plus souvent de nombreuses niches fiscales. Le sujet passionne les Français. Des dizaines de magazines y consacrent leur une chaque année et des milliers de vidéos circulent sur Internet pour expliquer comment bénéficier de la meilleure niche. Clément d'Herbécourt en détaille les trois principales. D'abord le pacte Dutreil qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% lors d'une transmission d'entreprise. Vous avez les assurances-vie, massivement utilisées par les Français pour payer moins de droits de succession. Et enfin, vous avez le démembrement de propriété, qui est un système aussi très largement utilisé, notamment pour transmettre des biens immobiliers, et qui consiste à ne transmettre à ses héritiers de son vivant que la nue propriété des biens, tout en gardant l'usufruit. Et donc le fait de séparer l'usufruit et la nue propriété permet à ce que l'usufruit ne soit jamais taxé et donc permet de réduire largement la facture fiscale. Alors sur l'assurance vie, on a environ entre 40 et 45 milliards de fonds qui sont transmis au décès par assurance vie chaque année. Donc c'est un volume qui est très très conséquent. Et on considère, selon nos calculs, que le coût de la niche fiscale sur l'assurance vie, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Et sur la dernière niche fiscale qui est le démembrement de propriété, donc là on est aussi sur une pratique qui concerne beaucoup de gens et qui représente environ entre 18 et 20 milliards d'euros par année. Et là le coût serait de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros par an. Donc si on reprend l'ensemble des trois niches fiscales principales, on obtient un coût des niches fiscales de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros environ par an. C'est considérable. Mais c'est considérable, d'autant que les recettes totales des droits de succession et donation, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Donc on a 15 milliards d'euros de recettes pour 10 milliards d'euros de niche fiscale, ce qui vous montre qu'on a un système, encore une fois, qui est schizophrénique, où on a un taux d'imposition prévu par le barème qui est très important, mais à côté de ça, beaucoup de niches fiscales qui permet de faire baisser considérablement les taux d'imposition, notamment pour les très gros patrimoines et les très gros héritiers. Les biens professionnels, c'est pas détenu par tout le monde de la même manière. Donc c'est très concentré en haut de la distribution. C'est-à-dire que si vous regardez le patrimoine des 400 foyers fiscaux les plus fortunés, pour eux, les biens professionnels, ça représente 60% de leur patrimoine. Si vous prenez le français moyen, c'est quasiment zéro, en fait, parce que vous allez détenir généralement, et c'est pas le cas de tout le monde, donc un bien immobilier. Donc, déjà, il y a à peu près 60% de Français qui sont propriétaires, donc 40% qui n'y tiennent rien, et d'autres qui détiennent des biens financiers. Donc déjà, le patrimoine professionnel, c'est très concentré. Et donc pour eux, pour transmettre, alors dans le détail, pour chaque entreprise, ça peut être différent, mais vous avez donc ce pacte Dutreil qui a été créé en 2003. L'idée, c'est de faciliter la transmission des entreprises au sein des familles. Donc l'intuition de départ, c'est de dire si l'entreprise reste au sein de la famille, les héritiers vont mieux gérer le bien que si c'est un fonds d'investissement vautour qui l'achète, qui va essayer de faire le plus grand bénéfice possible et vendre le bien. Ils vont prendre soin du travail fait par les fondateurs, etc., potentiellement sur plusieurs générations. Donc pourquoi pas, dans l'absolu, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que si vous gardez le bien au moins 4 ans, il y a une condition, vous avez un abattement de 75% sur la valeur du bien. C'est-à-dire que si vous transmettez une entreprise qui vaut sur le marché, qui est cotée à 1 million d'euros, par exemple, fiscalement, elle ne va valoir que 250 000 euros aux yeux de l'impôt, avec cet abattement-là de 75%. Les biens étant concentrés, justement, cet abattement-là, il est concentré au niveau des très grosses fortunes. Et donc, ça coûte à l'État, en moyenne, en fonction des années, entre 2 et 3 milliards d'euros, cet abattement-là. Est-ce qu'on peut mesurer ce que ça rapporte ? Ce que ça rapporte, c'est compliqué en fait. Il faudrait évaluer ce que deviennent ces entreprises-là par rapport à des entreprises identiques mais qui ont été vendues aux employés ou vendues à un concurrent par exemple. Ça a été fait en fait dans les pays nordiques, donc ça a été fait au Danemark, donc de comparer les entreprises récupérées par l'héritier et la même entreprise, une entreprise similaire récupérée par d'autres personnes. Et ce qu'ils montrent, eux, c'est assez clair, c'est que l'héritier fait moins bien que le fondateur. Donc ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les entreprises. y a peut-être des différences en termes de taille, de secteur, etc. Mais ça veut dire qu'en moyenne, cette idée-là, qui est de dire spontanément l'entreprise familiale va mieux marcher qu'une entreprise cédée à ses employés ou un concurrent, bah, en fait, elle est fausse. Mais ça montre que c'est un problème. C'est-à-dire que l'intuition qui est de dire ça va forcément marcher, bah, ce n'est pas forcément le cas. Donc là, vous avez potentiellement, si on arrive à le mesurer un jour en France, une double perte. C'est-à-dire que vous avez une perte de recettes fiscales parce que vous ne taxez pas ces entreprises-là. Et vous avez potentiellement une perte derrière si l'entreprise bah, génère moins de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que bah, c'est moins d'impôts sur les sociétés. Si jamais elle fait faillite, bah, c'est des allocations chômage à verser. Donc vous avez cette double peine et finalement des coûts qui pourraient être beaucoup plus élevés que les gains. Donc ça, il faudrait l'évaluer. Et un des problèmes en France, c'est que toutes ces niches fiscales, on ne les évalue pas forcément. Et l'argument selon lequel, si on change tout ça, finalement, si on bouge un orteil, les plus grosses fortunes, ou peut-être ceux qui n'ont pas envie tout simplement de payer cet impôt, vont aller à l'étranger. Qu'est-ce qu'on en dit de ça ? Bah ça, on est incapable de dire qui... Enfin, déjà, quand les gens partent à l'étranger, on est incapable de dire pourquoi les gens sont partis. Vous remplissez pas un questionnaire à la frontière en disant « je suis parti pour des raisons fiscales, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de loisirs, de météo, etc. » Donc ça, déjà, on est incapable de le dire. Il y a eu quand même pas mal d'expériences sur l'ISF en France, où, par exemple, Gabriel Zucman avait fait une étude qui avait montré que quand vous aviez des variations de taux d'imposition sur le patrimoine, vous n'aviez pas de flux massif sortant quand le taux augmentait et... Même chose, vous n'avez pas de flux massif entrant quand le taux diminue. C'est-à-dire que les gens partent pour tout un tas de raisons. Et donc, de ce point de vue-là, vous n'avez pas d'hémorragie massive en France. Enfin, on est le pays, même en Europe, qui a le plus de millionnaires, par exemple. Donc, si l'impôt, la France avait un système aussi confiscatoire que ça, ça se verrait, en fait, depuis longtemps. Et surtout, ce qui a été montré dans d'autres pays, donc pour l'impôt sur les successions, c'est les migrations à l'intérieur des pays. Donc, en France, en fait, la question ne se pose pas, vu que vous êtes imposé de la même manière où que vous soyez, mais aux États-Unis et en Suisse, par exemple, donc c'est des pays qui sont des fédérations, donc d'un État ou d'un canton à l'autre, vous avez des taux qui varient beaucoup. Et ce qu'on pourrait dire, c'est dans ces pays-là, bah, si vraiment les gens étaient réactifs à l'impôt, ce serait encore plus facile qu'en France, vous n'aurez même pas besoin de quitter le pays, vous changez de canton, vous changez d'État, et vous allez vers le canton ou l'État le plus clément fiscalement. Et on ne trouve pas du tout ces effets-là. Chez les retraités suisses ou américains, les gens bougent à nouveau pour tout un tas de raisons, pour se rapprocher de leurs petits-enfants, pour aller en Floride et profiter du soleil, mais en tout cas, ce n'est pas pour des raisons fiscales, il n'y a pas de mouvement massif. Et peut-être d'autant moins sur l'impôt sur les successions. Parce que c'est encore plus compliqué en fait, de bouger sur cet impôt-là. Il faut que les héritiers en fait, viennent avec vous aussi, et il faut vraiment faire bouger toute la famille. Donc vous avez intérêt à avoir des enjeux, un gain fiscal très important pour avoir ce genre de mécanisme. Donc ce n'est pas une menace qui paraît si grave que ça à première vue, non. Il faut savoir qu'en matière de transmission, en matière de donation notamment, vous pouvez profiter aujourd'hui de nombreux avantages fiscaux sans devoir attendre une éventuelle modification de la législation. Tout le monde veut bien transmettre une partie de son patrimoine de son vivant pour réduire plutôt les droits de succession, mais personne n'accepte de se démunir et c'est bien compréhensible. Dans une société où on vit de plus en plus vieux, il faut bien savoir qu'un couple de 50 ans aujourd'hui, monsieur et madame, il y a quelque 40% de chances que l'un des conjoints atteigne 100 ans. La question de l'héritage aujourd'hui, quand elle est soulevée, quand elle apparaît dans le débat politique, se trouve neutralisée de ces potentialités que les auteurs du 19e siècle nous font retrouver. Et il y est simplement question d'un outil de redistribution à la marge, sans voir que, à travers cette idée d'une restriction du droit de propriété au seul temps de vie de l'individu, avec cet outil-là, on peut aller beaucoup plus loin. Nous restons focalisés dans les débats contemporains sur l'héritage, sur le seul niveau de la fiscalité successorale, en vue de corriger un peu, de soigner un petit peu les inégalités, mais non en vue de transformer la structure de la société. Pour Mélanie Plouvier, penser l'héritage, c'est se saisir d'un formidable outil de transformation sociale, un levier pour l'égalité. Dans cet élan, elle me conseille la lecture d'un livre, « Le genre du capital » des sociologues Céline Bessière et Sybille Golac. Les deux universitaires ont travaillé sur les inégalités d'héritage entre hommes et femmes. Je tombe des nues. Naïvement, je pensais qu'au moins dans ce domaine, il existait une égalité parfaite. Alors, sur le papier, plus précisément dans le Code civil, depuis 1804, c'est-à-dire le code Napoléon. Céline Bessière, sociologue. On a quand même une égalité sur le papier en matière de succession entre les fils et les filles. Alors il faut rentrer un tout petit peu dans le détail. Jusqu'en 1965, les femmes mariées n'avaient pas de pouvoir de gestion sur leurs biens propres, c'est-à-dire les biens hérités de leurs parents. Si elles étaient mariées, les femmes, c'était leur mari qui s'en occupait, qui avait le pouvoir de signer, de gérer, de vendre les biens hérités de leurs parents. Donc on voit qu'en effet, c'est lié. Donc 65, c'est l'accession au carnet de chèques finalement. C'est l'accession au carnet de chèques, c'est l'accession à un compte en banque pour soi, à la possibilité d'un contrat de travail sans l'autorisation du mari. Et il faut attendre les années 80 pour que les femmes mariées puissent signer la déclaration d'impôt du revenu du couple. Donc la norme égalitaire a progressé, donc c'est pour ça que tout le monde pense que, dans le fond, il n'y a pas de sujet. Avec ma collègue Sybille Golag, donc nous on est sociologue, donc on étudie les pratiques. On a travaillé sur les successions dans des familles de milieux sociaux très différents, dans des familles dans lesquelles il y a du patrimoine professionnel à transmettre, des entreprises, dans des familles dans lesquelles il y a des biens immobiliers à transmettre. Et là, on a commencé à se rendre compte d'un certain nombre de choses, notamment que les garçons et les filles n'héritaient pas des mêmes choses non plus au même moment. Ce qu'on avait observé, c'était que les fils, et surtout les premiers des fils, hériter davantage des biens à la fois symboliquement et économiquement les plus importants. Donc typiquement, les entreprises viticoles. S'il y avait un fils, eh bien le repreneur et héritier de la propriété viticole, c'était le fils, c'était jamais sa sœur. Mais Sybille, dans les familles qu'elle étudiait, elle constatait que c'était un petit peu la même histoire pour les maisons de famille, les biens symboliquement importants et puis aussi souvent économiquement les plus importants. Et donc on s'est dit, ben tiens, on va aller interroger l'enquête patrimoine de l'INSEE en regardant la nature des biens transmis. Et là, quelle n'a pas été notre surprise de constater que ben, ce qu'on avait observé dans les familles, on le voyait à une échelle beaucoup plus large. Et on a pu établir un certain nombre de résultats. Donc les fils héritent davantage des biens que nous on appelle les biens structurants des successions. Donc ils héritent davantage des terres, ils héritent davantage des biens immobiliers avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire les biens immobiliers où les parents vivent encore et qui sont donc les maisons de famille. Ils héritent davantage des parts d'entreprise. Et on a même constaté que c'était les premiers des fils qui significativement héritaient davantage de ces biens-là. Les filles reçoivent davantage de l'argent, c'est-à-dire des compensations en argent pour ces biens structurants. Et puis, autre découverte dans les statistiques, on se rend compte que les fils reçoivent davantage des donations, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur héritage de façon anticipée, c'est-à-dire plus tôt dans leur vie, alors que les filles reçoivent davantage des successions, c'est-à-dire la part de leur héritage au moment de la mort des parents. Alors on a continué notre enquête, et cette fois-ci chez les notaires. 95% des successions se règlent dans les études notariales, apparemment sans contentieux. Donc. Et ce que font les notaires, c'est précisément d'entériner et de légitimer cette paix des familles et cet ordre familial qui est défavorable aux femmes. Alors, la manière dont ils font ça est la suivante. C'est ce qu'on a appelé le mécanisme de la comptabilité inversée. Quand on regarde des actes notariés en matière de succession, on se dit, l'ordre du document, c'est de faire un inventaire du patrimoine, une évaluation de ce patrimoine. Chaque composante du patrimoine va être évaluée en euros. On fait une somme et on divise entre les héritiers. En réalité, quand les familles arrivent dans l'étude notariale pour régler une succession, les gens savent déjà qui va reprendre l'entreprise familiale, qui va reprendre la maison de famille. C'est déjà réglé d'une certaine façon. Et ce qui se passe dans l'étude notariale, c'est un jeu sur l'évaluation des biens et sur même l'inventaire. On a des cas dans le livre où on voit qu'il y a des choses qui ont été comptées et des choses qui n'ont pas été comptées. Et l'évaluation, là, il y a vraiment des très grandes marges de manœuvre que nous ont expliqué longuement les notaires en matière d'évaluation des biens qui ne sont pas vendus, donc typiquement les biens immobiliers. Les fameuses maisons de famille qui ne sont pas vendues, elles sont estimées. Et il y a plein de manières de sous-estimer la valeur d'un bien immobilier. Pourquoi c'est intéressant de sous-estimer ? Parce que ça veut dire que d'abord, vous allez payer moins de frais de succession, moins d'impôts. Et puis aussi, vous allez moins dédommager vos frères et sœurs, et donc surtout vos sœurs, puisque statistiquement, ce sont plutôt des fils qui héritent de ces biens immobiliers et de ces parts d'entreprise. Vous allez pouvoir leur donner une compensation moindre. Et donc, c'est ça l'inégalité cachée. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que on dit pas du tout dans le livre que les notaires sont sexistes. Ils n'ont pas besoin d'avoir une intention sexiste pour avoir une pratique, cette pratique de la comptabilité inversée, qui a des effets défavorables aux femmes. En fait, ce qui est le mantra de leur profession, c'est la paix des familles. Ils y arrivent en très très grande partie, puisqu'il y a assez peu de dossiers qui vont au tribunal. Et donc, ils vont pas du tout essayer de contrecarrer les logiques familiales que nous, on avait vues, c'est-à-dire le fait de considérer que c'est le fils le meilleur héritier à qui on va transmettre les biens structurants. Parce que pour eux, si tout le monde est d'accord avec ça et personne ne le remet en cause, eh bien, parfait, on a la paix des familles, pourquoi aller remuer des choses ? Mélanie Plouvier, philosophe. Au XIXe siècle, l'héritage n'allait pas de soi. Le fait que l'on transmette des biens au sein de cette unité particulière qu'est la famille n'allait pas de soi. Il y avait bien évidemment des penseurs qui, il y en avait qui souhaitaient rétablir le droit de primogéniture, par exemple les Leplésiens. Il y avait des penseurs qui défendaient ce qu'avait mis en place la Révolution française, ce partage égal au sein des familles. Mais il y avait également tout un ensemble d'auteurs qui critiquaient fortement cette institution, que ce soit en préconisant, par exemple, la mise en place d'un impôt progressif, qui verra le jour en 1901. D'autres, par exemple, un libéral comme John Stuart Mill, propose un plafonnement de l'héritage, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, on ne peut pas transmettre. Il y avait des propositions de dotation en capital pour tout jeune adulte, donc on taxe très fortement la transmission patrimoniale familiale et on redistribue en donnant un héritage collectif à tout jeune adulte, quelle que soit la richesse de sa famille d'appartenance. Alors ça, c'est une proposition qui apparaît récemment dans une note du Conseil d'analyse économique, sous la plume de Clément d'Herbécourt notamment. Alors, c'est une proposition qui a ressurgi en décembre 2021 dans la note du Conseil d'analyse économique. Le 19e siècle, pour nous, est une mine pour trouver des propositions alternatives en matière d'héritage. Et je suis, enfin, de ce point de vue-là, c'est le grand intérêt d'un détour par l'histoire de la pensée au 19e siècle que de pouvoir cerner des propositions auxquelles nous ne pensons plus. Mais surtout, dans les propositions qui sont extrêmement intéressantes au XIXe siècle, il y a les propositions abolitionnistes. Et là, trouvez-moi un penseur aujourd'hui qui soutient une position abolitionniste en matière d'héritage. Ce qui est très intéressant, et c'est là où le contraste est le plus saillant, c'est qu'au XIXe siècle, un certain nombre d'auteurs sont ouvertement abolitionnistes. Ils proposent l'abolition complète de la transmission patrimoniale au sein de la famille. On trouve cette proposition chez certains saint-simoniens qui proposent une abolition conjointe de la famille et de la transmission patrimoniale. On la trouve chez un auteur comme Bakounine, mais on la trouve, cette position abolitionniste, on la trouve aussi chez des auteurs qui n'étaient pas jugés à l'époque radicaux, qu'on a même pu interpréter dans les années 1960 comme des penseurs conservateurs, comme par exemple Durkheim. Durkheim, qu'on a présenté dans les années 1960 comme un penseur conservateur, est un abolitionniste convaincu. Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'abolir la transmission patrimoniale ? Immédiatement, on se dit, mais ça consisterait à détruire la famille, ça consisterait à détruire, fragiliser considérablement la propriété privée, ça consisterait à enlever aux travailleurs toute motivation au travail. Donc la difficulté que nous avons aujourd'hui à envisager comme possible, voire même comme simplement imaginable, la position abolitionniste, à mon sens, donne à voir ce que nous ne parvenons plus à penser, donne à voir la manière dont nous essentialisons cette institution, dont nous l'ancrons en nécessité. Alors effectivement, l'abolitionnisme aujourd'hui n'existe plus. À droite et à l'extrême droite, on veut favoriser les donations, aller vers toujours moins d'impôts. À gauche, même si on estime que la lutte contre les inégalités passe par un alourdissement des droits de succession, la tendance reste très timide. Seule la France insoumise propose de taxer à 100% toute transmission au-dessus de 12 millions d'euros. Et ce sont finalement les chercheurs du Conseil d'analyse économique qui vont le plus loin dans leurs propositions. On a quatre préconisations principales dans la note. La première préconisation qui est vraiment fondamentale et qui va faire que on pourra potentiellement mieux débattre de toutes ces questions, c'est qu'il faut améliorer l'information du grand public sur l'héritage et sur les donations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'héritage, finalement, il y a deux chiffres en fait qui sont débattus. C'est la valeur de l'abattement en ligne directe qui est de 100 000 euros et le taux marginal d'imposition en ligne directe qui est de 45%. Et ces deux chiffres-là tournent en boucle dans le débat public. On ne sait pas qui les paye, qui en profite, qui en bénéficie. Et si on n'a pas beaucoup plus d'informations, on ne pourra pas mieux communiquer et mieux échanger sur ces questions-là. La deuxième recommandation, c'est de calculer les droits de succession sur la base de l'ensemble de ce qui est hérité par un individu au cours de sa vie. C'est une proposition assez radicale parce que aujourd'hui, comme je vous le disais, on calcule les droits de succession sur les parts qui sont héritées à chaque décès. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de calculer pour chaque individu l'ensemble de ce qu'il a reçu au cours de sa vie sous forme de donation et de succession. Donc on additionnerait tout ça dans un ensemble qu'on appellerait le patrimoine hérité, et c'est ce patrimoine hérité qui serait taxé à un taux progressif. Parce que dans le système actuel, vous pouvez recevoir beaucoup en héritage et payer peu d'impôts, et au contraire, vous pouvez recevoir peu et payer beaucoup d'impôts. Donc dans cette proposition où on calcule les droits de succession sur l'ensemble du patrimoine hérité au cours de la vie, on n'est plus obligé non plus de faire la distinction entre les successions en ligne directe et indirecte. Et donc là, vous avez un système où celui qui reçoit plus va payer plus d'impôts, quels que soient les liens de parenté finalement qui sont derrière l'héritage. Et donc, il serait plus intéressant, d'un point de vue à la fois d'équité et d'efficacité, de réduire l'écart entre les deux. Et il faut souligner que ce système-là, il n'est pas du tout utopique, il existe déjà, notamment en Irlande, et il y a eu une petite période d'adaptation, parce que ce qui est compliqué, c'est de passer d'un système à l'autre, mais en tout cas, ça a déjà été fait dans un certain nombre de pays. Notre troisième recommandation, c'est de limiter les niches fiscales, et selon nos analyses, ces niches fiscales, dans leur plus grande mesure, ne sont pas forcément justifiées d'un point de vue économique ou du point de vue de l'égalité des chances. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de limiter le dispositif du treuil. On pourrait au moins réduire l'avantage fiscal lié à la transmission d'entreprise. Et ce qui est très important, c'est de faire une évaluation économique précise de ce dispositif-là. Et la dernière recommandation de la note du Conseil d'analyse économique, c'était d'instaurer des garanties en capital pour tous sous forme de dotation en capital. C'est-à-dire que chaque individu, par exemple à son 18e anniversaire, pourrait recevoir une dotation en capital de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui permettrait en fait aux individus qui n'hériteront jamais rien au cours de leur vie de bénéficier d'un capital de départ qu'ils puissent investir soit pour se former, pour créer une entreprise, accéder à un bien immobilier. Et ensuite, c'est le système de fiscalité des droits de succession qui va faire que on va récupérer ces sommes pour ceux qui vont hériter au cours de leur vie. Donc on vous donne du capital pour commencer, mais pour ceux qui hériteront ensuite, ben, on reprend une partie de ce capital. Bon, c'est des scénarios qui sont finalement assez mesurés dans leur montant, dans leur effet, à la fois sur l'activité économique et sur les taux d'imposition. Et en fait, même en augmentant assez peu finalement le taux d'imposition, vous récupérez des sommes qui, d'un point de vue macroéconomique, sont pas si négligeables que ça. Donc finalement, il y a de quoi faire une réforme en modifiant un petit peu le barème actuel, en modifiant les taux, sans que ce soit une révolution fiscale incroyable. Et ça suffirait déjà à bâtir un système plus progressif et qui permette d'avoir des ressources pour faire des dotations en capital, notamment. Je comprends en quittant Clément d'Herbécourt que la révolution fiscale et successorale n'est pas encore en marche. en 2010, un copain me dit, tiens, j'ai monté une petite boîte de conseil, est-ce que tu la développerais pas avec moi? Et je lui ai dit, banco, on y va, parce que j'aurais envie de liberté. Cyril Vu, chef d'entreprise. En 2010, on est 17, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, si on ne regarde que la croissance financière de nos activités, eh bien, on est 250 et on fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est une success story dans le conseil, modeste, mais voilà, on a réussi cette percée-là en 10-12 ans. Cet homme s'appelle Cyril Vu et c'est lui aujourd'hui qui dirige cette entreprise de conseil en finance. Elle s'appelle Seabird et occupe un immeuble du 8e arrondissement où Cyril Vu me reçoit dans un agréable bureau. Il est volubile, parle plus volontiers de ses enfants ou de ses lectures que d'argent, et c'est pourtant bien pour ça que je suis là, pour l'entendre parler d'héritage. Cyril Vu a décidé que ses enfants n'hériteraient pas de toute sa fortune. En France, c'est une tendance qui émerge. Aux États-Unis, c'est le bon vieux logiciel méritocratique et libéral qui est à l'œuvre. Le basketteur multimillionnaire Shaquille O'Neal ne laissera rien à ses enfants, à moins qu'il ne les persuade de la pertinence de leur projet entrepreneurial. Les milliardaires Warren Buffett, Michael Bloomberg et Bill Gates sont tous opposés à l'héritage et ne vont transmettre qu'une infime partie de leur fortune à leurs enfants. Toute proportion gardée, Cyril Vu leur emboîte le pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je souhaite transmettre à mes enfants ? Et de manière assez évidente, je me suis dit que le plus important à transmettre, c'était pas des biens matériels, mais plutôt un regard sur le monde ou un regard sur la vie et une façon d'interagir avec les gens. Et que c'était ça le plus important. Et donc, la disposition principale que j'ai prise avec mon épouse, c'est que on a décidé de se déposséder de 25% de notre patrimoine, donc un quart de ce que nous possédions, qui est la limite légale, quand les enfants sont mineurs, de dépossession sans que ce soit les priver de leurs droits à héritage, puisque dans le droit français, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui fait que quand on a 3 enfants ou plus, on ne peut disposer librement de son vivant que de 25% de son patrimoine, sans que cela ne les lèse, en tout cas sans leur en demander l'autorisation. Donc à l'époque où je l'ai fait, ça représentait 8 millions d'euros. Si on veut aller au-delà, ce qui est mon intention dans le futur, a priori, il faudra que j'obtienne d'eux une renonciation à héritage pour la partie que je souhaiterais donner à d'autres et qui donc sera prise sur leur réserve héréditaire. Mais comme Seabird continue à se développer, eh bien je reste actionnaire aujourd'hui et ça crée encore de la valeur, donc je pourrais me retrouver avec quand même beaucoup d'argent. Ouais. Vous n'êtes pas à l'abri. Ben, je ne suis pas à l'abri de ça, exactement. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu, vos enfants, cette réflexion sur la succession ? Alors, mes enfants ont 13, 17 et 19 ans. On n'en a pas énormément parlé, mais on leur en a parlé un petit peu quand même. Je crois qu'ils sont assez fiers. Et donc, en leur léguant modestement des biens matériels, ben je leur léguerai d'une certaine manière un ordre de priorité et un regard. Quoi. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis que vous avez pris cette décision testamentaire ? Eh bien, quand on a signé cette donation en sortant de chez le notaire, j'ai ressenti un plaisir immense et beaucoup de soulagement d'une certaine manière. Et ça m'a permis juste de mettre l'argent à sa place. C'est-à-dire pas tout en haut de mon système de valeurs. Ce n'est pas juste pour mieux éduquer ses enfants que Cyril Vu se débarrasse de plusieurs millions d'euros. Selon lui, l'entreprise et l'initiative personnelle ont un rôle majeur à jouer. Et cela passe par la création d'une fondation. Alors une fondation absolument, et une fondation qui est liée à l'entreprise. Et la fondation qui s'appelle Seabird Impact est actionnaire à plus de 20% de la société commerciale. Et son objet social, sa raison d'agir à la fondation, ce n'est pas d'aider les petits-enfants du Mékong ou de reforester l'Amazonie, même si, à titre personnel, c'est plutôt ce que j'aurais envie de faire. Non, c'est de travailler dans le secteur financier à mener de la recherche et des initiatives à destination de l'intérêt général pour encourager le secteur financier à être plus inclusif et plus durable. Et maintenant, pour aller plus loin, on est en train de se transformer en entreprise à mission au niveau de la société commerciale pour aligner complètement la société du monde lucratif avec la fondation dans le secteur non lucratif. Ça veut dire quoi, une entreprise à mission ? Une entreprise à mission, une société à mission, c'est une société qui se dote d'une raison d'être et qui inscrit dans ses statuts de manière contraignante ce qu'elle souhaite faire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est développer les potentiels humains dans une entreprise inclusive et durable. C'est ça notre raison d'être. J'ai développé une conscience écologique et j'ai pris conscience de quelque chose de très important, à savoir que tous ceux qui aujourd'hui ont une responsabilité de quelque ordre que ce soit, les politiques, les artistes, les intellectuels, tous ceux qui ont du pouvoir ou de l'argent, ont une responsabilité devant les générations futures de se mettre en mouvement de manière disruptive, mais de manière radicale. Sinon, moi, ce que je pense, ce qui risque de nous arriver si on ne le fait pas, nous qui avons un peu de pouvoir, c'est que on finisse, comme je le dis souvent, la tête en haut d'une pique. Et d'une certaine manière, comme on a cette responsabilité-là et qu'il y a ces échéances-là, si on ne le fait pas, c'est pas que je vais l'avaliser. Je ne veux pas qu'on renverse la table, mais je crains que ça ne nous arrive. Et donc, voilà comment, et pas par crainte, plutôt par souci d'essayer de changer les choses, voilà comment ma pensée a évolué. Et je passe par des niveaux de radicalité assez variables. Je souhaite donc aller jusqu'à donner 50% de mon patrimoine, mais en réalité, si je vais jusqu'au bout de ma pensée, il faudrait que j'arrive jusqu'à 90% ou 95%. C'était Le mérite en héritage, le temps des héritiers. Avec Mélanie Plouvier, Nicolas Frémaux, Clément d'Herbécourt, Raphaël Baquet, Louis Morin, Cyril Vu. Prise de son, Céline Guéribi. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Pelchin. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie, une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.